Pierre se retirait, le cœur soulevé, lorsqu'un gémissement faible et continu l'arrêta. Il avait reconnu, à la même place, dans la même position, Madame Vincent, qui berçait la petite Rose sur ses genoux. « Ah, monsieur l'abbé !» murmura-t-elle. « Vous entendez ? Elle s'est réveillée, voici bientôt une heure. Et depuis ce moment, elle crie. Je vous jure bien pourtant que je n'ai pas remué un doigt, tant ça me rendait heureuse de la regarder dormir. » Le prêtre s'était penché, examinant la petite, qui n'avait pas même la force de rouvrir les paupières. Sa plainte sortait de sa bouche, comme son souffle même, et elle était si blanche qu'il frémit, car il sentit venir la mort. « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» continua la mère martyrisée à bout de force. « Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux plus l'entendre crier. Si vous saviez tout ce que je lui dis, mon bijou, mon trésor, mon ange, je t'en supplie, ne crie plus. Sois mignonne, la Sainte Vierge va te guérir. » Et elle crie toujours. Elle sanglotait, ses grosses larmes tombaient sur le visage de l'enfant, dont le râle ne cessait pas. S'il faisait jour, je serais déjà partie de cette salle, d'autant plus qu'elle incommode le monde. Il y a là une vieille dame qui s'est déjà fâchée. Mais j'ai peur qu'il ne fasse froid. Et puis, où aller dans la nuit? Ah, Sainte Vierge, Sainte Vierge, prenez pitié de nous. » Pierre, gagné par les larmes, mit un baiser sur les petits cheveux blonds de Rose, et il se sauva, pour ne pas éclater en sanglots avec cette mère douloureuse. Et il se rendit droit au rosaire, comme décidé à vaincre la mort. Il avait déjà vu le rosaire en plein jour, et elle lui avait déplu cette église que l'architecte, gêné par l'emplacement, acculé au roc, avait dû faire ronde et trop basse, avec sa grande coupole soutenue par des piliers carrés. Le pis était que, malgré son style byzantin archaïque, elle manquait de sentiments religieux, sans mystère ni recueillement aucun. Pareil à une halle au blé toute neuve que la coupole et les larges portes vitrées éclairaient d'un jour cru. Elle n'était point finie d'ailleurs, l'ornementation manquait. Les pans de murs nus où s'adossaient les autels n'avaient d'autre décoration que des roses en papier de couleur et de maigres ex-voto. Et cela achevait de lui donner un air de vaste salle de passage, au sol dallé, qui, par les temps de pluie, se trempait comme le carreau d'une salle de chemin de fer. Le maître-autel provisoire était en bois peint. Des rangées de bancs, innombrables, emplissaient la rotonde centrale, des bancs de refuge public où l'on pouvait venir s'asseoir à toute heure, car nuit et jour le rosaire restait grand ouvert à la foule des pèlerins, de même que l'abri, c'était l'étable où Dieu recevait ses pauvres. Et Pierre, en entrant, retrouva cette sensation de halle commune que la rue traverse. Mais le jour trop vif n'inondait plus les murs blafards. Les cierges qui brûlaient sur tous les autels étoilaient seulement les ombres vagues, endormies sous les voûtes. Il y avait eu, à minuit, une grand-messe solennelle, célébrée avec une pompe extraordinaire, dans l'éclat des lumières, des chants, des vêtements d'or, des encensoirs balancés et fumants. Et de ce flamboiement glorieux, il n'était resté, à chacun des 15 autels du pourtour, que les cierges réglementaires, nécessaires à la célébration des messes. Dès minuit, les messes commençaient, ne cessaient plus jusqu'à midi. Rien qu'au rosaire, il s'en disait près de 400 pendant ces 12 heures. Pour Lourdes entier, où l'on comptait une quinzaine d'autels, le nombre des messes dites montait à plus de 2000 par jour. Et l'affluence des prêtres était si grande que beaucoup remplissaient difficilement leurs devoirs, devait faire queue durant des heures avant de trouver un autel libre. Cette nuit-là, ce qui étonna Pierre, ce fut de voir, dans les demi-ténèbres, les autels assiégés, des files de prêtres qui attendaient patiemment leur tour, en bas des marches, pendant que l'officiant dépêchait les phrases latines avec de grands signes de croix. Et la fatigue était si écrasante que la plupart s'asseyaient par terre, que certains s'endormaient sur les marches, en tas et vaincus, contents que le bedeau les réveillerait. Un instant, il se promena, indécis. Allait-il attendre comme les autres? Mais le spectacle le retenait. À tous les autels, à toutes les messes, un flot de pèlerins se pressait, communiait en hâte, avec une sorte de ferveur vorace. Les ciboires se remplissaient, se vidaient sans cesse, les mains des prêtres se fatiguaient à distribuer le pain de vie. Et il s'étonnait de nouveau. Jamais il n'avait vu un coin de terre arrosé à ce point du sang divin, et d'où la foi s'exhala dans un tel envolement des âmes. C'était comme un retour aux temps héroïques de l'Église, lorsque les peuples s'agenouillaient sous le même vent de crédulité, dans l'épouvante de leur ignorance, qui s'en remettaient pour leur bonheur aux mains du Dieu Tout-Puissant. Ils pouvaient se croire transportés à 8 ou 9 siècles en arrière, aux époques de grande dévotion publique, quand on pensait la fin du monde prochaine. La foule des simples, toute la cohue qui avait assisté à la grand-messe, était restée sur les bancs, à l'aise chez Dieu comme chez elle. Beaucoup n'avaient pas d'asile. L'église n'était-elle pas leur maison, le refuge où jour et nuit la consolation les attendait? Ceux qui ne savaient où coucher, qui n'avaient même pas trouvé une place à l'abri, entraient au rosaire, finissaient par se caser sur un banc ou bien s'allongeaient sur les dalles. Et d'autres, que leur lit attendait, s'oubliaient pour la joie de passer une nuit entière dans ce logis céleste, si pleine de beaux rêves. Jusqu'au jour, l'amas, la promiscuité était extraordinaire. Toutes les rangées de bancs garnies, ces dormeurs épars dans tous les coins, derrière tous les piliers, des hommes, des femmes, des enfants, adossés les uns aux autres, la tête tombée sur l'épaule du voisin, mêlant leurs haleines avec une tranquille inconscience. La débâcle d'une sainte assistance que le sommeil a foudroyée. Une église transformée en une hospitalité de hasard. La porte grande ouverte à la belle nuit d'août, laissant pénétrer tous les passants des ténèbres, les bons et les mauvais, les là et les perdus. Et de partout, à chacun des 15 autels, les sonnettes de l'élévation tintaient sans relâche. Et du pêle-mêle des dormeurs, à chaque instant, se levaient des bandes de fidèles qui allaient communier, puis qui revenaient se perdre parmi le troupeau sans nom et sans gardien, roulés dans la demi-obscurité, comme dans la descente d'un voile. Pierre continuait à errer, d'un air d'indécision inquiète, au travers de ces groupes vagues. Lorsqu'un vieux prêtre, assis sur la marche d'un autel, l'appela d'un signe. Depuis 2 heures, il attendait là, et à l'instant où son tour venait enfin, il se sentit pris d'une faiblesse telle que, par crainte de ne pouvoir achever sa messe, il préférait céder sa place. Sans doute, la vue de Pierre perdu, torturé dans l'ombre, l'avait touché. Il lui indiqua la sacristie, attendit encore jusqu'à ce qu'il revînt avec la chasuble et le calice, puis s'endormit profondément sur un des bancs voisins. Pierre alors dit sa messe, comme il la disait à Paris, en honnête homme qui remplit son devoir professionnel. Il gardait l'apparence extérieure d'une foi sincère. Mais rien ne le toucha, ne lui fondit le cœur de ce qu'il croyait pouvoir attendre des 2 jours de fièvre qu'il venait de passer, du milieu extraordinaire et bouleversant où il vivait depuis la veille. Il espérait, au moment de la communion, lorsque le divin mystère s'accomplit, qu'une grande commotion allait le terrasser, qu'il serait baigné de la grâce devant le ciel ouvert face à face avec Dieu. Et rien ne se produisit. Son cœur glacé ne battit même pas. Il prononça jusqu'au bout les paroles habituelles, fit les gestes réglementaires, avec la correction machinale du métier. Malgré son effort de ferveur, une seule idée revenait, obstinée, celle que la sacristie était bien trop petite pour un nombre si énorme de messes. Comment les sacristains pouvaient-ils arriver à fournir les vêtements sacrés et les linges? Cela le confondait, occupait son esprit avec une persistance imbécile. Puis, étonné, Pierre se retrouva dehors. De nouveau, il marcha dans la nuit, une nuit qui lui parut plus noire, plus muette, d'un vide immense. La ville était morte, pas une lumière ne luisait. Il ne restait que le grondement du gave, que ses oreilles accoutumées cessaient d'entendre. Et tout d'un coup, la grotte flamba devant lui, incendia les ténèbres de son perpétuel brasier, brûlant tel qu'un amour inextinguible. Il y était revenu, inconsciemment, ramené sans doute par la pensée de Marie. 3 heures allaient sonner, les bancs se vidaient, et il n'y avait plus là qu'une vingtaine de personnes, des formes noires et perdues, des agenouillements vagues, des extases ensommeillées, tombées à un engourdissement divin. On aurait dit que la nuit, en s'avançant, eût épaissi les ombres, reculé la grotte dans un lointain de rêve. Tout sombrait au fond d'une lassitude délicieuse. Il ne venait plus que du sommeil, de l'immense campagne obscure, tandis que la voix des eaux invisibles était comme le souffle même de ce pur sommeil, où souriait la Sainte Vierge toute blanche, auréolée de cierges. Et, parmi les quelques femmes évanouies, Madame Maz était toujours à genoux, les mains jointes, la tête basse, si effacée qu'elle paraissait fondue dans son ardente supplication. Mais tout de suite, Pierre s'était approché de Marie. Il grelottait, il s'imaginait qu'elle devait être glacée à l'approche du matin. « Je vous en conjure, Marie, couvrez-vous, voulez-vous donc souffrir davantage ?» Et il remonta le châle qui avait glissé, il s'efforça de le lui nouer au menton. « Vous avez froid, Marie, vos mains sont glacées !» Elle ne répondait pas. Elle avait la même attitude que 2 heures plus tôt, lorsqu'il s'en était allé. Les coudes appuyés au bord du chariot, elle se soulevait à demi, dans le même élan vers la Sainte Vierge, la face transfigurée, rayonnante d'une joie céleste. Ses lèvres remuaient sans qu'il en sortît aucun son. Peut-être continuait-elle un entretien mystérieux au pays de l'enchantement, dans le songe tout éveillé qu'elle faisait depuis qu'elle se trouvait là. Et il lui parla encore, et elle ne lui répondit toujours pas. Puis, d'elle-même, elle murmura enfin d'une voix lointaine, « Oh, Pierre, que je suis heureuse! Je l'ai vue, je l'ai priée pour vous, et elle m'a souri. Elle m'a fait un petit signe de la tête pour me dire qu'elle m'entendait et qu'elle m'exauçait. Et elle ne m'a pas parlé, Pierre, mais j'ai compris ce qu'elle me disait. C'est aujourd'hui, à 4 heures du soir, que je serai guérie, lorsque le Saint-Sacrement passera. » Il l'écoutait, bouleversé. Avait-elle dormi, les yeux ouverts? N'était-ce pas en rêve qu'elle avait vu la Sainte Vierge de marbre incliner la tête et sourire? Il fut pris d'un grand frisson à cette pensée que cette pure enfant avait prié pour lui. Et il marcha jusqu'à la grille, il tomba sur les 2 genoux en bégayant « Oh Marie! Oh Marie !» sans savoir si ce cri de son cœur s'adressait à la Vierge ou à l'ami adoré de son enfance. Puis, il resta là, anéanti, attendant la grâce. Des minutes interminables s'écoulèrent. Cette fois, c'était l'effort surhumain, l'attente du miracle qu'il était venu chercher pour lui-même, la brusque révélation, le coup de foudre emportant son doute, le rendant à la fois des simples, rajeunis et triomphants. Il s'abandonnait. Il aurait voulu qu'une force souveraine ravageât son être et le transformât. Mais, comme tout à l'heure, pendant sa messe, il n'entendait en lui qu'un silence sans borne. Il ne sentait qu'un vide sans fond. Rien n'intervenait. Son cœur désespéré semblait cesser de battre. Et il avait beau s'efforcer de prier, de fixer éperdument sa pensée sur cette Vierge puissante, si douce aux pauvres hommes. Malgré tout, sa pensée s'échappait, était reconquise par le monde extérieur, s'occupait de détails puérils. De l'autre côté de la grille, dans la grotte, il venait de revoir le baron Suire, endormi, continuant son heureux somme, les mains jointes sur le ventre. D'autres choses encore l'intéressaient, les bouquets au pied de la Vierge, les lettres jetées là, comme à la poste du ciel, la délicate dentelle de cire qui demeurait debout autour de la flamme des gros cierges et qui l'entourait, pareille à une riche orfèvrerie d'argent découpé. Enfin, sans lien apparent, il rêva à son enfance. La figure de son frère Guillaume s'évoqua, très distincte. Depuis la mort de leur mère, ils ne l'avaient pas revue. Ils savaient seulement qu'ils vivaient très à l'écart, s'occupant de science au fond de la petite maison où ils s'étaient comme cloîtrés, avec une maîtresse et deux grands chiens. Et ils n'auraient plus eu de ses nouvelles s'ils n'avaient lu dernièrement son nom dans un journal à propos d'un attentat révolutionnaire. On le disait pris passionnément par des études sur les matières explosibles, fréquentant les chefs des partis les plus avancés. Pourquoi donc lui apparaissait-il ainsi dans ce lieu d'extase, au milieu de la lumière mystique des cierges, et tel qu'il l'avait connu autrefois, si bon, si tendre frère, avec une révolte de charité pour toutes les souffrances? Il en fut hanté un instant, plein du regret douloureux de cette bonne fraternité perdue. Puis, sans transition encore, il eut un retour sur lui-même. Il comprit qu'il s'entêterait là pendant des heures sans que la foi revînt. Pourtant, il sentait une sorte de tremblement monter en lui, un dernier espoir, l'idée que, si la Sainte Vierge faisait le grand miracle de guérir Marie, il croirait sans doute. C'était comme un dernier délai qu'il se donnait, un rendez-vous avec la foi, le jour même, à 4 heures du soir, lorsque passerait le Saint-Sacrement, ainsi qu'elle l'avait dit. Tout de suite, son angoisse cessa. Il resta agenouillé, brisé de fatigue, envahi d'une somnolence invincible. Les heures passaient. La grotte projetait toujours dans la nuit son resplendissement de chapelle ardente, dont le reflet allait jusque sur les coteaux voisins, blanchir les façades des couvents. Mais Pierre la vit pâlir peu à peu, et il s'étonna, s'éveilla, avec un petit frisson glacé. C'était le jour qui naissait, dans un ciel trouble, brouillé de grands nuages livides. Il comprit qu'un de ces orages, si brusques dans les pays de montagne, montait rapidement du midi. Déjà, la foudre lointaine grondait, tandis que des souffles de vent balayaient les routes. Peut-être, lui aussi avait-il dormi, car il ne retrouva plus le baron Suire, qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu s'éloigner. Il restait à peine 10 personnes devant la grotte, parmi lesquelles il reconnut encore Madame Maz, la face entre les mains. Mais quand elle remarqua qu'il faisait grand jour et qu'on la voyait, elle se leva, disparut par l'étroit sentier qui conduisait au couvent des Sœurs Bleues. Inquiet, Pierre vint à dire à Marie qu'il ne fallait pas rester là davantage si elle ne voulait pas courir le risque d'être trempée. « Je vais vous reconduire à l'hôpital. » Elle refusa, elle supplia. « Non, non, j'attends la messe, j'ai promis de communier ici. « Ne vous inquiétez pas de moi. Rentrez vite à l'hôtel vous coucher, je vous en conjure. Vous savez bien que des voitures fermées viennent chercher les malades quand il pleut. » Dès lors, elle s'obstina, pendant que lui-même répétait qu'il ne voulait pas se coucher. Une messe, en effet, était dite de très grand matin à la grotte, où c'était une joie divine pour les pèlerins que de pouvoir ainsi communier après une longue nuit d'extase dans la gloire du soleil levant. Et comme de larges gouttes commençaient à tomber, un prêtre parut en chasuble, accompagné de deux clercs, dont l'un tenait au-dessus de l'officiant, afin de protéger le calice, un parapluie de soie blanche, brodé d'or, grand ouvert. Pierre, qui avait poussé le chariot contre la grille pour abriter Marie sous l'auvent de la roche, où s'étaient également réfugiés les quelques assistants, venait de regarder la jeune fille recevoir l'hostie avec une ferveur brûlante, lorsque son attention fut attirée par un spectacle pitoyable dont son cœur resta bouleversé. Sous la pluie diluvienne, drue et lourde, il venait d'apercevoir Madame Vincent, les deux bras tendus, offrant à la Sainte Vierge sa petite rose, dont elle portait toujours le cher et douloureux fardeau. N'ayant pu rester à l'abri, où des réclamations s'élevaient contre le continuel gémissement de la fillette, elle l'avait emportée dans la nuit noire. Elle avait battu les ténèbres pendant plus de 2 heures, éperdue, folle, avec cette triste chair de sa chair qu'elle serrait sur sa poitrine sans pouvoir la soulager. Elle ignorait quelle route elle avait suivie, sous quels arbres elle s'était égarée. Tout à sa révolte contre l'injuste souffrance qui frappait si durement un petit être si faible, si pur, incapable encore d'avoir péché. N'était-ce pas une abomination, ces tenailles de la maladie torturant sans relâche, depuis des semaines, ce pauvre être dont elle ne savait comment apaiser le cri? Elle la promenait, la berçait au travers des chemins, d'une course furieuse, dans l'espoir entêté qu'elle finirait par l'endormir, qu'elle ferait taire ce cri qui lui arrachait le cœur. Et brusquement, exténuée, agonisant de l'agonie de sa fille, elle venait de déboucher devant la grotte, au pied de la Vierge du Miracle, qui pardonnait et guérissait. « Oh Vierge, Mère admirable, guérissez-la! Oh Vierge, Mère de la Divine Grâce, guérissez-la !» Elle était tombée à genoux. Elle tendait toujours sa fille expirante sur ses deux bras frémissants, dans une exaltation de désir et d'espérance qui la soulevait toute. Et la pluie, qu'elle ne sentait pas sur ses talons, battait derrière elle d'un roulement de torrents débordés, tandis que de violents coups de tonnerre ébranlaient les montagnes. Un moment, elle crut qu'elle était exaucée. Rose venait d'avoir une légère secousse, comme visitée par l'archange, les yeux ouverts, la bouche ouverte, toute blanche. Et elle avait eu un dernier petit souffle. Elle ne criait plus. « Oh Vierge, Mère du Sauveur, guérissez-la ! Oh Vierge, Mère toute-puissante, guérissez-la !» Mais elle sentit son enfant plus légère encore sur ses bras tendus. Et maintenant, elle s'effrayait de ne plus l'entendre se plaindre, de la voir si blanche, avec ses yeux ouverts, sa bouche ouverte, sans un souffle. Pourquoi ne souriait-elle pas si elle était guérie? Tout d'un coup, il y eut un grand cri déchirant, le cri de la mer dominant la foudre dans l'orage qui redoublait. Sa fille était morte. Et elle se leva toute droite. Elle tourna le dos à cette vierge sourde qui laissait mourir les enfants. Et elle repartit comme une folle sous l'averse battante, allant devant elle sans savoir où, en portant et berçant toujours le pauvre petit corps qu'elle gardait sur les bras depuis tant de jours et tant de nuits. Le tonnerre tomba, dut fendre un des arbres voisins, d'un coup de cognée géant, dans un grand craquement de branches tordues et brisées. Pierre s'était élancé à la suite de Madame Vincent pour la guider et la secourir. Mais il ne put la suivre, il la perdit tout de suite derrière le rideau trouble de la pluie. Et quand il revint, la messe s'achevait, l'eau tombait moins violemment, l'officiant finit par s'en aller sous le parapluie de soie blanche, brodé d'or, pendant qu'une sorte d'omnibus attendait les quelques malades pour les reconduire à l'hôpital. Marie serra les deux mains de Pierre. « Oh, que je suis heureuse! Ne venez pas me chercher avant 3 heures cet après-midi !» Restée seule, sous la pluie qui continuait, plus fine et entêtée, Pierre entra dans la grotte, alla s'asseoir sur le banc, près de la source. Il ne voulait pas se coucher. Le sommeil l'inquiétait, malgré sa lassitude, dans la surexcitation nerveuse où il était depuis la veille. La mort de la petite Rose venait encore de l'enfiévrer davantage. Il ne pouvait chasser l'idée de cette mère crucifiée, errant par les chemins boueux avec le corps de son enfant. Quelles étaient donc les raisons qui décidaient la Vierge? Cela le stupéfiait qu'elle pût choisir. Il aurait voulu savoir comment son cœur de mère divine pouvait se résoudre à ne guérir que 10 malades sur 100, ce 10% de miracles dont le docteur Bonamy avait établi la statistique. Lui, déjà la veille, s'était demandé s'il avait eu le pouvoir d'en sauver 10. Lesquels il aurait élu? Pouvoir terrible, choix redoutable, dont il ne se serait pas senti le courage. Pourquoi celui-ci? Pourquoi pas celui-là? Où était la justice? Où était la bonté? Être la puissance infinie et les guérir tous, n'était-ce pas le cri qui sortait des cœurs? Et la Vierge lui apparaissait cruelle, mal renseignée, aussi dure et indifférente que l'impassible nature, distribuant la vie et la mort comme au hasard, selon des lois ignorées de l'homme. La pluie cessait. Pierre était là depuis 2 heures, lorsqu'il se sentit les pieds mouillés. Il regarda. Il fut très surpris. C'était la source qui débordait à travers les grillages des panneaux. Déjà, le sol de la grotte se trouvait inondé. Une nappe coulait au dehors, sous les bancs, jusqu'au parapet du gave. Les derniers orages avaient gonflé les eaux d'alentour. Et il songeait que la source, toute miraculeuse qu'elle fût, était soumise aux lois des autres sources, car elle communiquait sûrement avec des réservoirs naturels où les eaux de pluie pénétraient et s'amassaient. Il s'en alla pour ne plus avoir les chevilles trempées.